4, 3, 2, 1, radio. Radio. Paul Simon Lefranc. 4, 3, 2, 1, radio. La radio du centre de Paris. 4, 3, 2, 1, radio. Nous sommes en compagnie de, en face de moi, Inès, Camille, Elias et Sonia, qui est à ma droite, qui va reprendre l'antenne. Donc voilà, aujourd'hui, donc on est pendant les vacances de la Toussaint et on a fait donc toute cette semaine donc une activité autour du jeu vidéo, notamment sur deux jeux qui s'appellent, Inès, Overcooked et FIFA. Et en parallèle de ça, donc on avait aussi des ateliers de sensibilisation. On en a eu un sur donc le handisport hier avec Sonia. On en a eu un donc sur la bonne pratique des jeux vidéo au niveau kiné, et là aujourd'hui donc on a un atelier sur la mixité animé par Sonia. Et donc Sonia, je te laisse reprendre l'antenne. Merci. Alors aujourd'hui du coup je suis venue pour vous faire un petit atelier sur la mixité dans les jeux vidéo et aussi dans l'e-sport. Oui, est-ce que quelqu'un pourrait me dire avec ses mots qu'est-ce que c'est que l'e-sport ? Dis-moi. Alors, l'e-sport, c'est le sport du jeu vidéo. C'est des compétitions, des tournois, etc. Mais au niveau, sur certains jeux qui sont compétitifs, parce qu'il y a des jeux, ça marche, il y en a, ça marche pas très bien, parce qu'il y en a, ils sont plus compétitifs que d'autres, etc. Mmh, tout à fait. Donc c'est ça l'e-sport. Et il faut savoir que, donc du coup, dans l'e-sport, on peut être une fille ou un garçon, et... À différents niveaux de jeu, il y a des joueurs et des joueuses. J'aurais voulu savoir si est-ce que vous connaissez déjà autour de vous, dans votre famille ou dans votre cercle amical, des filles qui jouent aussi aux jeux vidéo. Je pense déjà ma sœur qui est ici, Inès. Voilà. Moi non, je ne connais pas. Amira jouait avec toi au jeu hier. Non. Oui, mais c'est en plus... dehors d'ici, elle joue pas. Ok. Parce qu'il y a aussi les jeux vidéo, on a les jeux vidéo compétitifs, mais après on a des jeux plus, par exemple, sur console, PlayStation ou Switch, etc. Et oui, il y a des compétitions du coup sur toutes les plateformes, etc. Et on a surtout autant de joueurs et de joueuses sur tous les jeux. Mais à très haut niveau, on a beaucoup moins, enfin, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de joueuses que d'autres. Est-ce que vous connaissez des personnalités, enfin des filles, qui jouent aux jeux vidéo connues plus que d'autres ? Magla. Mmh. Jill. Mmh. Bah, Dejna, mais c'est pas vraiment compétitif, quoi. Ok, c'est une joueuse, ouais. Enfin, tu la connais, et il ouais. Y a des personnalités, il y a des filles qui jouent aussi aux jeux vidéo. Alors, moi, je suis une streameuse sur League of Legends. Du coup, j'ai joué aussi dans des équipes avec entièrement que des filles, et aussi des équipes avec entièrement que des garçons. Donc, j'ai fait aussi des LAN. Ceux qui savent ce que c'est des tournois en réseau local. Faut savoir que du coup, il y a beaucoup moins de filles que de garçons. Mais que le jeu, lui, est accessible à tous. Il n'y a pas de limitation physique, comme dans certains sports. Est-ce que, du coup, vous avez déjà regardé une compétition e-sport ou pas ? Non. Oui. Vous avez regardé une compétition sur quel jeu ? Moi, c'était sur Fortnite au début. Mais il n'y a pas longtemps, j'en ai vu une sur Valorant. Ok. Moi, j'en ai vu une sur Counter-Strike, mais c'était la seule. Est-ce que pour vous, c'est normal de voir une fille sur un jeu vidéo ? C'est rare, on en voit souvent de plus en plus ou... Je trouve que c'est totalement normal et que devrait en avoir plus. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas assez, je trouve. Bah ouais, il y en a. Enfin, devrait y en avoir plus, c'est normal, mais moi j'en ai pas beaucoup vu dans l'e-sport. Moi j'en vois pas beaucoup dans l'e-sport, mais quand je joue à mon échelle à Minecraft, j'en vois autant que de garçons, donc ça me paraît très normal qu'il y en ait autant dans l'e-sport, mais ça se remarque pas. Enfin, on remarque pas qu'il y en a autant dans l'e-sport qu'un niveau normal ou de chaque joueur. Il y a beaucoup plus de filles qui jouent à leur niveau qu'à haut niveau de garçons qui jouent dans l'e-sport. Mmh. Et à votre avis, pourquoi il y a cette différence du coup, de niveau entre les filles et les garçons à des compétitions de haut niveau, en fait ? Si je vais reformuler, comment... quelle est la raison pour laquelle, selon vous, dans l'e-sport, on retrouve beaucoup moins de filles, alors qu'elles jouent, par exemple, à un niveau, je veux dire, casu, plutôt normal, et il y en a beaucoup moins à très haut niveau de compétition? Bah parce que je pense que, bah, vu le fait qu'il y ait beaucoup moins de filles dans l'e-sport, va plus les décourager à aller dans le pro. Peut-être que qu'il y en a qui sont un peu moins intéressés pour jouer à haut niveau. À ton avis, qu'est-ce que serait la barrière, en fait? Pourquoi elle se découragerait, en fait? Peut-être, comme a dit Inès, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, elles ont peur des moqueries, du sexisme, etc., peut-être. Tu veux rebondir? Non, c'est la raison. Ok. Toi, est-ce que tu as déjà subi des moqueries, du coup? Non. Parce que, aussi, si je peux ajouter quelque chose, c'est que l'e-sport, ça se démocratise de plus en plus sur les réseaux, etc. Et du coup, sur les réseaux, il y a sûrement des gens qui vont peut-être dire des menaces sexistes ou quoi à des filles. Du coup, elles ont peut-être plus... Enfin, ça les décourage plus pour se lancer à haut niveau. Moi, je dirais que le fait que ça se développe sur les réseaux, ça peut au contraire être positif. Parce que du coup... même s'il peut y avoir des moqueries, comme l'e-sport, ça vient plus ou moins de se démocratiser, ça permet aussi d'avoir plus de visibilité, donc de toucher plus de personnes, et également plus de filles. Donc pour moi, c'est peut-être pas vraiment au niveau des réseaux qu'il y a un problème, mais plus au niveau de la publicité qui en est faite, qui est particulièrement masculine. Je vois. Et écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de raisons différentes sur les filles. Les filles ne s'inscrivent pas forcément dans des compétitions à très haut niveau. Mais oui, j'ai été surprise de savoir qu'il y avait beaucoup moins de joueuses qui s'inscrivaient déjà à des LAN ou des compétitions en ligne. Et pourtant, quand j'ai créé la Ligue féminine, il y a eu beaucoup de filles qui se sont révélées être des super joueuses et qui se sont inscrites dans ce tournoi. Donc en fait, à partir de ça, j'ai pu en conclure plusieurs choses pendant la compétition, avant et après. Dans un premier temps, oui, il y a beaucoup de filles qui sont découragées de se dire que voilà, il y a des garçons qui sont en fait établis dans les jeux vidéo depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'au final, les jeux vidéo, depuis sa création, on a toujours vu que des garçons. Ça a toujours été la Game Boy. On a appelé une console par le nom du genre. Toutes les PlayStation, etc., ça a toujours été des jeux très masculins. Vous-même, vous avez joué à FIFA. C'est un des jeux préférés des garçons, je pense. Et ça a été un des premiers jeux. Du coup, on est à la FIFA 21 maintenant. C'est qu'on a eu pas mal avant. Donc on se dit que ce domaine appartient aux garçons. Et beaucoup de filles se disent, bon, bah, c'est pas forcément fait pour moi. Je vais peut-être aller faire autre chose et avoir d'autres activités. On se retrouve aussi, du coup, avec des fois des compétitions qui se font à l'étranger. Des compétitions qui demandent un investissement et un temps juste énorme. Vous avez eu... du coup, j'ai cru comprendre un atelier sur la bonne pratique du jeu vidéo et... on vous a informé sur le temps de jeu vidéo. Hier, on a parlé avec Thibaut. Il a pu jouer une trentaine d'heures sur Portal. 35 heures. Et il m'a fait comprendre que 35 heures, ça représentait une semaine de travail, par exemple. Et c'est juste un investissement incroyable. Et ça, pour un jeu totalement à histoire, des jeux d'énigmes, des jeux un peu, je veux dire, casual. Mais alors, pour des jeux comme e-sportifs qui demandent à avoir un niveau de jeu très important... Alors oui, on peut se retrouver déjà avec des joueurs e-sport actuellement à très haut niveau qui jouent 12 heures par jour aux jeux vidéo, ce qui est déjà plus qu'un temps d'une personne normale qui travaillerait. Et en plus de ça, du coup, il faut qu'elle soit très régulière et du coup, ça demande un investissement énorme que parfois les filles ont du mal à consacrer. Les filles ont souvent un parcours scolaire plutôt linéaire. On va regarder. Enfin, si vous remarquez, je sais pas, si vous avez vu dans vos classes. Les filles ont des meilleures notes, en généralement. Dites-moi si je me trompe. Ont généralement des meilleures notes que les garçons. Est-ce que la tête de votre classe, c'est une fille ou un garçon par hasard? C'est une fille. C'est une fille? Moi, l'année dernière, c'était une fille. Et cette année, je sais pas trop. Il y a certaines filles, mais elles travaillent pas... Enfin, elles travaillent normalement. Elles travaillent pas plus que quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Tête. Et toi aussi? C'est compliqué, mais en gros, le groupe de personnes qui travaillent beaucoup, oui, c'est les filles. Après, c'est peut-être pas les meilleures, mais dans le général, si on les prend tous ensemble... On les globalise, ouais. Ouais, c'est ça. Généralement, les filles sont plus travailleuses et s'investissent davantage au niveau de leurs études que les garçons. Pour être joueur pro, au final, vous savez que généralement, les joueurs pro, quand ils sont découverts en tant que talent, ils sont vraiment très jeunes. Généralement, on les découvre à 14, 15 ans, 16 ans, qui... des fois, doivent, la plupart du temps même, doivent sacrifier des fois leurs études pour garantir leur place dans l'e-sport. Les filles sont beaucoup plus réticentes à faire ce genre de choses, parce que c'est un peu un coup de poker après tout, et c'est quelque chose qui est plus masculin, de risquer un peu sa scolarité. Il y a beaucoup de filles qui sont très intéressées par les jeux mobiles, donc parler de Clash Royale, etc. Et il y a des compétitions aussi sur ces jeux vidéo-là. Par exemple, est-ce que vous avez déjà joué... lancer une partie et entendu une fille en vocal. Et elle va dire, oh, c'est une fille. Alors, fait une remarque sur le fait que ce soit une fille ou pas. Moi, non. Enfin, la plupart du temps, je joue à des FPS, etc. La plupart des gens n'avaient pas de vocal. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas vraiment entendu. Par contre, sur certains jeux en monde ouvert, mm-hmm. j'ai vu quelques personnes écrire dans le chat en se genrant au féminin. Du coup, c'était des filles, hein, sûrement. Mm-hmm. Mais il n'y avait pas de vocal. D'accord. Ou alors à l'écrit. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, des personnes, hormis vous, discriminer une fille dans les jeux vidéo ? Mmh. Faire une différence ? Par exemple, oh, t'es une fille, tu devrais pas jouer aux jeux vidéo ? Ou faire d'autres remarques, par exemple ? Non, sachant que je joue en solo, non. Non. Mmh. Vous êtes des joueurs solitaires, un peu ? Ouais. Plutôt. Moi, pas vraiment. Je suis très multijoueur. Mais ouais. De ce que j'ai vu, et pourtant, je suis sur un Discord où il y a clairement marqué si t'es masculin ou féminin. Il y a un bon pourcentage de filles, pas la majorité, mais il y a un bon pourcentage de filles. Et de ce que j'ai vu, il n'y a pas non plus... Enfin, j'ai jamais vu discrimination, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu. Et comme il y a beaucoup de personnes, je suis même quasiment sûr qu'il y en a eu. Mais... Mmh. Parce que j'ai entendu des histoires par rapport à ça, mais j'en ai jamais vu en personne. Bien. Eh bien, écoutez, c'est... c'est étonnant quand même, je suis vraiment surprise. Peut-être qu'avec votre... Enfin, à votre âge, je pense que les jeunes se disent bon voilà il y a beaucoup moins peut-être de discrimination par rapport à avant. Ça évolue. Ça a changé. Il y a quelques années c'était compliqué pour une fille de jouer aux jeux vidéo. On avait toujours ce cliché de la fille qui joue aux jeux vidéo un peu exactement comme un garçon à la maison qui parle pas à grand monde etc. Et maintenant je pense que c'est beaucoup plus populaire de jouer aux jeux vidéo. Il y a des publicités à la télé, il y a des événements maintenant dans des grandes firmes. C'est quelque chose de devenu beaucoup plus populaire qu'avant, alors que les jeux vidéo c'était vraiment un truc de geek. Et maintenant c'est quelque chose de beaucoup moins genré qu'avant. J'ai des amis qui ont des niveaux dans l'e-sport qui sont vraiment élevés. Et pourtant, elles ont des discriminations, par exemple à l'entrée dans des équipes. Si par exemple une fille a un très bon niveau de jeu, un niveau équivalent à une autre personne, souvent, les équipes vont préférer prendre le garçon plutôt que la fille. Parce qu'on va remettre en question son niveau. Est-ce qu'elle le mérite ? Est-ce que c'est vraiment elle qui joue ? Comme vous savez, les joueurs e-sport vivent des fois dans des maisons en commun. Ils prennent généralement une sorte d'une petite maison, une villa ou un appartement, avec un réseau local, avec leurs 5 PC alignés, et jouent tous ensemble en réalité. Et partagent aussi des fois leurs appartements, pour faciliter l'accès aux compétitions, aux grandes compétitions dans les villes principales. On se dit, voilà, est-ce qu'une fille pourrait rester au milieu d'une maison avec 4 autres garçons ? Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut laisser une fille partager un appartement avec d'autres garçons ? Il y a encore cette question-là. Donc oui, il y a des discriminations, il y a des équipes qui préfèrent choisir un garçon à une fille à niveau équivalent. Et je pense que, enfin, j'espère que plus tard, on prendra les filles pour leurs compétences au même titre que les garçons. Si une équipe faite de garçons et de filles peut marcher, peut faire une très bonne équipe ensemble, bah je vois pas pourquoi il faudrait séparer. Si ça marche, autant le faire. Moi je pense que si c'est au niveau sportif, ça dépend de... Vu qu'au niveau physique, il peut y avoir des différences. Donc peut-être qu'en fonction du sport, ça peut être bien de séparer. Mais au niveau de l'e-sport, où vraiment il y a presque aucune... Non, je pense qu'il y a aucune différence entre un garçon et une fille au niveau physique, des capacités... sont de base. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de... Enfin, bien sûr, ça, c'est pas forcément mauvais de séparer, mais je trouve que c'est pas utile. Moi, je trouve que au niveau du sport, en général, c'est comme Elias. Enfin, y a certains sports, faut séparer, il y en a d'autres, faut pas séparer, je trouve, parce que les conditions physiques sont pas les mêmes. Mais au niveau de l'e-sport, tant que la fille s'entraîne autant qu'un garçon... et qu'elle a le même niveau de jeu, et que les deux s'entendent bien, pourquoi on séparerait en fait ? Je comprends pas ça. Ok, je comprends. Il y a aussi des championnes, c'est-à-dire qu'il y a des filles au final qui sont arrivées à niveau compétitif, mais qui ont aussi remporté des titres. On a peut-être Kayane, que vous connaissez de nom, elle est présentatrice sur Game One, qui a été championne du monde de Soul Calibur, et championne de France de Street Fighter. On a aussi Vekalion, qui est une joueuse chinoise qui a été championne du monde de Hearthstone. On a eu Scarlett, qui a été une championne américaine de StarCraft 2. Il y a aussi, si vous avez entendu parler de Scarlett, elle a En fait, il y a eu les Jeux de Pékin. Si vous... Enfin, les Jeux Olympiques à Pékin, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, excusez-moi, je me trompe. C'est les Jeux Olympiques au Japon. Excusez-moi. À Tokyo. Voilà, à Tokyo. Je me suis trompée d'année. Il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver au Japon. Et elle a remporté, en fait, c'était la première fois qu'on a eu un tournoi e-sport au milieu des Jeux Olympiques classiques. Vous savez, les Jeux Olympiques. Voilà. Et du coup, cette compétition-là, ça a été une fille qui l'a remportée. Et on a enfin Dina, qui est une Française, qui est aussi championne du monde de Just Dance. Du coup, oui, j'aurais voulu savoir si après tous ces échanges, vous allez changer votre comportement ou essayer de faire changer le comportement de certaines... enfin, si vous allez changer votre comportement ou est-ce que vous allez peut-être aider peut-être plus les filles à s'intégrer dans les jeux vidéo ou... Du coup, si vous voyez une fille, par exemple, qui, je sais pas, par exemple, vous êtes en train de jouer en réseau, vous entendez quelqu'un qui dit « Oh, t'es une fille, t'es nulle » ou quelque chose comme ça, est-ce que vous réagiriez ? Faut le signaler. Oui. Faut le signaler. Ou si c'est ton serveur, tu le bannes. Oui. Ou le kick du vocal. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ou moi, enfin, c'est par exemple si dans une line il y a quelqu'un qui dit ça en vrai ou dans un vocal. Bah, moi je ferai ce que je peux pour aider la fille, évidemment, hein, pas pour aider celui qui insulte. Mais si par exemple c'est dans une vocale sur un jeu et que tu peux pas ban quelqu'un du vocal, bah... Signaler. Ouais, tu signales, mais tu peux pas faire grand chose sur le moment pour que la personne soit pénalisée tout de suite. Mais un signalement ou quoi, enfin quelque chose qui puisse aider. Si vous avez des frères ou sœurs, est-ce que vous les laisseriez jouer aux jeux vidéo plus tard quand ils grandiront ou... Est-ce que ça semblerait bizarre pour vous qu'ils jouent aux jeux vidéo ou alors vous les inviteriez à jouer avec vous? Bah, moi, je les inviterais. Je l'invite déjà. Hein. Ah, ouais, moi aussi. Ouais. Je sais pas si elle serait jouée. Qui t'a fait découvrir les jeux vidéo pour la première fois? T'as joué à quoi et avec qui? Quel genre de jeu? Enfin, un vrai jeu ou un jeu? Un jeu vidéo, jeu vidéo sur ordinateur par exemple ou sur console? Sur ordinateur. Sur ordinateur, le premier auquel j'ai joué, c'était Fortnite. Parce que j'ai eu mon ordi il y a un an, en fait. Mm-hmm. Et il y a un an, je jouais quasiment que à Fortnite. Maintenant, j'ai arrêté. Mais c'était un ami à moi qui m'avait montré le jeu. Et au tout début, quand il était sorti il y a quelques mois, il me l'a montré. Il m'a dit, regarde, ce jeu, il est bien, on peut jouer ensemble. Au début, c'était sur tablette. Bon, c'était pas des conditions de ouf, mais... après, du coup, je me suis pris un PC et du coup, j'ai joué sur PC. Et toi, qui t'as fait découvrir? C'était Camille. Au début, je commençais à jouer Fortnite avec lui. Et puis après, on a acheté un PC et puis j'ai commencé à jouer sur PC. Toi aussi, t'as acheté un PC du coup. Ok. Et toi? Moi, bon, peut-être que du coup, c'est un peu, ça va pas être totalement concordant avec ton histoire, Inès. Et... Mais la première fois que j'ai joué aux jeux vidéo, vraiment la première fois, alors, ça peut paraître bizarre, mais c'était ma grand-mère. Ouais. Et c'était sur tablette, c'était un petit jeu de ferme qui s'appelait Heyday. Ouais. Et après, la première fois que j'ai joué du coup à Minecraft sur ordinateur, c'est un ami qui m'a fait découvrir, Marwen, je crois. Et après, j'ai fait découvrir à ma soeur, du coup, qui s'est mise à y jouer. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Et du coup, vous jouez ensemble? Alors, je vais essayer mon histoire. Oui. Ah. C'était pas ça. Dans le grenier de ma grand-mère, il y avait je sais pas quelle console, on jouait à Star Wars Lego, voilà. Oui. On jouait à Star Wars Lego dessus. Ouais. Après, mais du coup, moi aussi, c'est la première fois que je jouais sur console. Enfin, c'était pas la console la plus récente, mais la première fois que je jouais sur console, c'était ça. Ouais. Ok, d'accord. Bien. Ben, écoutez, merci en tout cas d'avoir discuté avec nous. Tous ensemble. Un plaisir. J'espère que vous avez trouvé la conversation intéressante. Oui. Et oui. Que vous avez appris pas mal de choses. Je rends l'antenne. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 radio. La radio du centre de Paris.